estat la música de la Dalida. L'hem convidat avui a participar amb el nostre programa durant força estona amb algunes de les seves interessantíssimes i millors o més recordades cançons. La Cristina Gigliotti, coneguda com a Iolanda en villatina, després coneguda amb Iolanda com a Y, i finalment com a Dalida. I va néixer a Egipte, al Caire, el 17 de gener del 1933. Els seus pares eren calabresos, originaris de Serra Estreta, la província de Catanzaro. Va morir el 1987. De fet, es va suïcidar a París, cantant i actriu, que va fer la seva carrera principalment a França, però que va triomfar tot el món al llarg de més 30 anys, amb cançons com Les Infants d'Opiré, Maurice Sorsen, o el Gigi L'Amoroso, i aquella primera que hem escoltat amb Alain Delon. Un parell de temes que escoltem a Olala Music ara amb Adamo, dos dels seus temes també més coneguts. També en Salvatore Adamo, un altre, cantautor en aquest cas, italo-belga, que va fer fama internacional cantant en castellà i en francès. La neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible ma neige. Pas ce soir, tombe la neige, tout est blanc de désespoir. Triste certitude, le froid et l'absence, cet odieux silence. Blanche solitude, tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible ma neige. Demoiselles, que vous êtes jolies, pas question de penser aux folies. Les folies sont affaires de vos riens. On n'oublie pas les belles manières. On demande au papa s'il permet. Et comme il se méfie des gourmets, il vous passe la muselière. À vous. Permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous

Així hem afegit amb els nostres protagonistes del programa d'avui just a la meitat de Hola la Música per aquesta setmana a Eddie Mitchell en Claude Moine, conegut amb aquest pseudònim. De vegades, també anomenat Small, és un cantant i protagonista francès que va néixer a París, al barri de Belleville, el 1942. El seu gran heroi, o per qui sentia tanta admiració, l'Eddie Constantin, li va donar amb ell el motiu per elegir aquest pseudònim, aquest Eddie Mitchell, per anomenar-se així, i també canviant-ho per no anomenar-se com el seu productor d'aquella època, l'Eddie Buckley. Escoltem més cançons. Era un rocker fantàstic. Un rocker era el títol de la cançó que també escoltareu amb el programa d'avui, d'aquestes tres que han triat de l'Eddie Mitchell. N'importe quoi, qu'importe le sujet, les gens disent de moi, c'est un rocker, c'est un roller. Pourtant dans le rocker, il y a aussi le moqueur. Et la mode rétro avec ses wop de wop vient twister dans ma tête et chante près de moi, tu es rocker. Chanter disent d'un air horrifié. C'est un rocker, c'est un roller. Quelle brutalité dans ses pantalons serrés. Si je bois dans un bar trois ou dix verres de trop, qu'éclate une bagarre, les gens crient aussitôt, c'est un rocker. Qu'importe ma tenue, les snobs diront de moi, c'est un rocker, c'est un roller. L'estomac d'un rocker se limite au cheeseburger. Les faux intellectuels, journalistes étroits s'emparent de ma musique pour écrire sur moi, c'est un rocker, c'est un roller. Les escrocs prometteurs me font de grands sourires. Je reste franc-tireur. Je suis rocker. Ah, je suis roller. Je chante ce que je veux à l'instant où je le veux. Yeah, yeah. Seul le long des rues où nous allions tous deux avant. À chaque pas, je me souviens comme on s'aimait auparavant. Comment pouvoir t'oublier? Il y a toujours un quoi qui me rappelle. Je serai toujours

c'est pas pour vous fâcher. Il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle aide dans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Acabem, doncs, amb una cantant que es va fer famosa als anys 20 a París, una de les grans cantants realistes franceses. Era la Berthe Silva, i que ens acompanyarà amb una darrera cançó amb el programa d'avui que hem dedicat a llegendes també de la música francesa. La setmana que ve tornarem, si voleu estar al nostre costat. Salutacions de Rafael Corbí. Ha estat Hola la música. A reveure. Rouillé, perclus, courbé sur son bâton de chêne, quand Buteau le braconnier dur non sert à l'affût. Bien qu'on ne l'ait guère vu son âge et sa gêne, au bureau de bienfaisance tout de même on le secourut. Au cabaret jamais on ne le voyait boire, il passait fier avec son chien causant quelquefois. Pour dire que l'assistance étant obligatoire, c'est sans honte qu'il touchait son secours au bout de chaque mois. Puis il sifflait son chien, allons mon vieux pâteau, et tout de s'en allait, le vieux parlant tout haut. Mon vieux pâteau, toi qui es qu'une bête, t'es bien meilleur que certaines gens. T'as pas de dessous de malice en tête, quand tu veux mordre, on voit tes dents. Tandis que les hommes, bêtes à deux pattes, sous des sourires cachant leurs crocs, à l'instant même où ça vous flatte, ça vous mangerait cœur et boyau. Personne, nous deux pâteaux, n'a pu nous humilier. Moi, je n'ai jamais eu de maître. Et toi, t'as pas de collier. Un jour, comme il sortait du bureau de bienfaisance, il salua monsieur le maire qui dit « Bonjour Buteau !»« Tiens, c'est à toi chien-là ?» Oui, dit le vieux sans méfiance. « Une brave bête presque aussi vieille que moi, n'est-ce pas Pâteau ?»« Je comprends, » répondit le maire, « c'est un ancien complice. On s'aime pardi, seulement Buteau, moi je te préviens. Entre tes secours et ton cabot, faut que tu choisisses. L'argent des indigents n'est pas fait pour les chiens. » Et comme le vieux ne voulait en faire qu'à sa tête, on résolut de comprendre mieux que lui ses intérêts. Un soir dont lâchement on tira sur la bête, qui toute sanglante revint s'étendre auprès des chenets. À Alors le vieux Buteau saisit sa cartouchière, il arma son fusil en grondant « Assassin !» Mais Pateau fit entendre une plainte légère, et le vieux en pleurant se pencha sur son chien. Et comme la bête semblait lui dire « Achève-moi !» le bonhomme à genoux fit un signe de croix. Mon vieux Pateau, nous sommes trop bêtes pour comprendre quelque chose à la loi. Finissons-en, la charge est prête, un coup pour toi, un coup pour moi. Pateau, on va partir ensemble au pays d'où personne ne revient. Mon Dieu, tout de même j'en tremble, pardonne-moi Pateau, tiens-toi bien. Et c'est comme ça que l'on vit, doucement dans les cieux, monter l'âme d'un chien avec l'âme d'un chien.